Pépette est conique et bien roulée. Elle n'aime guère la tectonique, je te la présente. Grande comme Micotin, elle est me nourrissant de fumée toxique. Avec elle et son ref au CB, on a passé un marché. Depuis bien trop d'années, à tel point que j'ai passé le tas de pièces rapportées. Qu'ils acceptent le fait que je ne suis pas trop famille et que j'artille au micro. Embarquant Pépette dans tous mes tripes de crado. Comme quand on passe la nuit à l'arrière d'une vago. On se retrouve endormi sur une table de bistrot. Comme quand on croque la vie avec le poids de l'existence sur le dos. Même si elle rêve du magot, elle est un peu comme ma gosse. Car elle rosse ma liberté, me bride, me poussant à chaque instant vers la précarité. Première similarité ne fait pas dans la charité. Addictonnée, elle me pousse à la faute, me met les nerfs quand elle traîne avec d'autres. Et dans son entourage, vas-y devine qui est le 13e apôtre. Qui est celui qui se vautre dans mes draps, lui léchant le collant ou lui retirant ses bases avec les dents. Quelle est la face du Judas fumant son épiderme gras? C'est la devinette à la mode des pubs de lipiges en bas de chez moi. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? Pépette m'embarque de bras à Meudin. Elle connaît tous mes sons, c'est ceci où qu'ils soient. De Zénica à l'aroma, ils en sont tous caca comme moi. Elle me fait voyager le cul vissé sur une chaise. Elle me pardonne, même si parfois j'embrasse la 16. Reste avec moi car elle n'aime pas les assiettes. Sa culture est ancestrale à l'instar des Aztèques. Quand je l'étreins, mon cœur fait des bons. C'est une boulette high-tech, une boulette black bien grasse. Pépette, c'est pas n'importe quelle pétasse. Avec sa silhouette longiligne, elle a trop la classe. La preuve, elle pointe son nez, les creux se mettent en chasse. Faites place à celle qui soit t'agace, soit te met la race. Avec elle dans les bras, je sens la basse. Et la lévitation est une sacrée sensation. Qu'elle seule me procure, c'est du bon. Car son ivresse m'assure que sur commande, elle paye ses fesses à coup sûr. Le Handex, c'est pas une pute de l'Est. Tu joues le traveler, Pépette, tu peux pas tester. Son don d'ubiquité qui fait que souvent je peste. You see, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel. Against what? Lorsqu'on s'est rencontrés, je traînais, j'écumais les soirées au foyer. Je la connaissais bien sûr de vue, mais on ne s'était jamais parlé pendant des semaines. Nos regards ne faisaient que se croiser. Je kiffais la matée quand elle passait, je la humais. Un vrai chien de Condé, je voyais les plus grands tomber. Pour elle, mais sa chevure et son parfum rendent son attrait universel. De tout à toute condition, beaucoup d'hommes sont amoureux d'elle. Après son passage, dans leurs yeux ne rayonne plus une étincelle. Car Pépette est une grande cruelle, mais je lui résiste en durant dans nos ébats comme le lapin Duracell. Entre deux thés après bouffée, je lui roule des pelles quand nos enveloppes se mêlent. C'est le carton, je la trouve belle, la complimente, la caresse. Sa peau du bout des doigts, je les fleurs et les frites. J'aime quand elle est bien bonne et bien grasse comme un bon gros grec frite. Pépette, égo trip alimenté de mon phrasé hétéroclite. Armé d'une feuille, d'un pic et d'un stick. Pépette nutrie, c'est le saut à l'élastique. Against men won't crave because them crave for the things like Sevelin. Them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well, you have to work and put your pension. And him keep it all. So Herb make you look for yourself and instead of you want to work for the man, you want to be one of the man too. Not in the sense of how him is, but in the sense of why should you have to bow to these things? That means he's your own man. That's the first time you own yourself. You do what you want to do. Anything people want to say about you, you don't care. You don't care.